Chapitre 22e. Le premier mouvement de Julien fut de s'élancer à la poursuite de Madame Ripert. Il était poussé autant par le désir instinctif de la vengeance que par l'effroi superstitieux que lui avait fait ressentir l'apparition de ce spectre, Monsieur Préval. Mais ce fantôme n'était pas venu à lui par un effort surhumain pour le laisser s'échapper. De sa main crispée, il s'attachait désespérément à son épaule. Si faible que fût la pression, si léger que fût le poids de ce corps diaphane, Julien en fut incommodé. Il s'arrêta au milieu du vestibule, très embarrassé de son personnage et quelque peu honteux. Être venu affronter une redoutable ennemie et se trouver avec un moribond sur les bras. Que dire à cet homme? Il était manifestement incapable de répondre. Sa respiration haletante, le ballottement de sa tête, tout dénotait sa faiblesse et son impuissance. Et point de canapé dans le vestibule, ni de siège où il aurait pu le faire asseoir. Madame Ripert avait disparu. Où était-elle? Julien ne connaissait pas cette maison. Il ne savait de quel côté se diriger. Il n'osait pas appeler. Une des portes donnant sur le vestibule était entr'ouverte. À tout hasard, Julien la poussa. C'était un salon. Par les fenêtres largement ouvertes, le soleil pénétrait et ses rayons, ayant passé un capricieux scintillement à travers les pendeloques de cristal d'un lustre, se confondait en un éblouissant foyer sur la surface polie d'une glace. Cette débauche de lumière amena une diversion dans l'esprit de Julien. La curiosité passionnée qu'il avait poussée chez Madame Ripert, sans qu'il en eût pleinement conscience, se réveilla. D'un regard avide, il parcourut le salon, cherchant à découvrir quelque indication de caractère. Lorsqu'il l'avait connue intimement, Madame Ripert n'avait pas la coquetterie de son intérieur. Elle paraissait même dédaigner ces mille riens qui sont les colifichets du mobilier. Avait-elle modifié ses habitudes en changeant de résidence et de monde? Voyant resplendir un lustre au milieu du salon, Julien le crut. Mais il fut bien vite détrompé. C'était le seul luxe de cette pièce, dans laquelle des meubles d'une banalité terne étaient uniformément alignés le long des murs. Pour un Parisien, ce fut une véritable déception. Il répéta mentalement cette éternelle exclamation « Oh, la province !» comme s'il eût ignoré qu'en province, le luxe du mobilier s'impose plus encore qu'à Paris. Madame Ripert faisait exception, non par économie ni par défaut de goût. C'était parti pris de sa part. Elle voulait triompher toute seule, sans rien devoir aux prestigieuses séductions de l'art et du bibelot. Julien n'avait pas eu besoin d'un minutieux examen pour constater l'insignifiance de cet intérieur. Monsieur Préval n'eut même pas le temps de s'en apercevoir. Le malheureux garçon avait fermé les yeux, ébloui par l'incandescence des reflets du soleil. De sa main libre, Julien ramena un fauteuil. « Mon cher ami, reposez-vous. » Monsieur Préval tressaillit. Par un effort suprême, il se redressa et se tint debout, en équilibre, bien qu'il eût abandonné son point d'appui. Il prit même une attitude de défi pour crier dans un râle « Je ne suis pas votre ami. » Julien, depuis une heure, avait éprouvé bien des émotions. Il ne lui manquait que d'avoir pitié et de se sentir humilié. Le défi de M. Préval lui donna l'humiliation et la pitié. « Pardon, monsieur, dit-il, je n'ai pas eu l'intention de vous offenser. Que me voulez-vous? Ce que je veux que vous quittiez cette maison. Je veux que vous renonciez à voir Madame Ripert, sinon... » L'explosion de cet amour forcené était sinistre. Julien en fut épouvanté. « Vous vous méprenez sur mes intentions, » dit-il de sa voix la plus douce. « Je vous jure, ne jurez pas !» reprit l'autre, s'animant de plus en plus. « Vous avez été son amant, je le sais. Vous voulez le redevenir. Ah, je comprends ce retour de passion. Mais moi, vivant, cela ne sera pas. » C'en était trop. La passion qui s'exhalait ainsi de ce squelette en ricanement et en menace aurait eu tous les caractères de la folie si elle n'eût précipité les hoquets de la mort. Monsieur Préval, dans un accès de rage folle, allait se jeter sur Julien. Il n'en eut pas la force. Un cri rauque s'échappa de son gosier. De ses deux mains, il comprima sa poitrine. Une écume sanguinolente lui monta aux lèvres. Il s'affaissa lourdement sur le tapis du salon. Julien eut peur. Avait-il un cadavre sous les yeux, ou bien s'agissait-il d'une simple syncope? Il n'eut pas assez de sang-froid pour s'en assurer. Il se précipita sur le cordon de sonnette qui pendait près de la cheminée et l'agita avec frénésie. Presque aussitôt, Madame Ripper parut. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle. « Voyez-vous-même, madame. Monsieur Préval s'est animé en causant avec moi. Tout à coup, il est tombé. « C'est bien, laissez-moi. » Julien salua et partit. Il était tellement troublé qu'il ne pensa pas emporter sa boîte de foulard et qu'il oublia de noter la venue immédiate de Madame Ripper dans le salon. Ce ne fut que plus tard qu'il se rappela cette circonstance. Évidemment, cette femme était aux aguets. Certainement, elle avait tout vu ou du moins tout entendu. Quoi qu'il en soit, restée seule auprès de M. Préval, elle procéda avec un calme diabolique aux constatations. Un chirurgien, endurci par une longue pratique contre toutes les émotions, n'aurait pas eu plus de sang-froid ni de méthode. Elle tâta le pouls, écouta le cœur, approcha des lèvres à miroir et s'assura que le brillant n'en était pas terni. « Il est bien mort, » dit-elle en se relevant. Après avoir contemplé quelques secondes le cadavre, « Oui, tu es mort, mon pauvre garçon. Que veux-tu que j'y fasse? Tu n'es plus bon à rien. » Elle s'éloignait de son pas harmonieusement cadencé pour aller avertir ses serviteurs. Arrivée à la porte, elle s'arrêta et se frappant le front. « Il est encore bon à quelque chose, » murmura-t-elle. Revenant auprès de M. Préval, elle s'agenouilla et d'une main vigoureuse, elle asséna son cadavre un coup de poing en plein cœur.